Chapitre 37e. J'eus bien de la peine à revenir de cette chasse aux singes, et je ne pouvais maintenant me faire illusion sur l'état de ma santé. Il fallait partir. J'avais atteint cette fois les limites de mon voyage. En supposant que j'eusse voulu le continuer, mes Indiens m'auraient probablement abandonné un jour ou l'autre. Au moment du départ, Joao me prévint qu'il avait entendu quelque chose qui l'inquiétait pour moi. Les quatre Indiens ne se quittaient plus. Ils paraissaient avoir pris une détermination. Toute la tribu vint m'accompagner. J'embrassai de bien bon cœur le bon Joao et mon protégé Zanani. Et de même que le dernier jour de ma vie dans les bois, je me sentis profondément ému. Le vent était bon pour mettre à la voile. Je donnai une double ration de cachaça et je rentrai bien vite sous ma tonnelle. Je fermai mes rideaux pour éviter le soleil et je m'endormis. Le temps changea vers le soir et nous fûmes tous mouillés jusqu'aux os par une averse qui dura une heure au moins. J'aurais reçu la pluie en plein si je n'avais eu mon parasol. L'eau entrait en grande quantité par un large trou qu'avaient fait mes singes, sans compter une multitude de petits qui faisaient de mon toit un immense arrosoir et qui eût suffi seul à tout tremper. Les journées suivantes furent monotones. Je les passais presque toutes couchées sur ma natte. Ma santé était tout de bon entamée. La chaleur me tuait. Ce que je buvais était incroyable. J'avais consommé mon sucre. Ma limonade était un peu acide. N'importe, il fallait boire. Je n'ai pu savoir combien de temps j'avais passé, soit en restant à la Maloca de Joao, soit en revenant. J'ignorais presque où j'avais été. Mon état de faiblesse, la petite maladie que j'avais faite et dont je n'étais pas guéri, m'avait forcé d'abandonner mon journal, dont je fis un jour un résumé. J'avais négligé de demander à Joao comment s'appelait l'endroit où il habitait, le nom de cette rivière et de celle sur les bords de laquelle j'avais trouvé les araras, que j'avais quitté sitôt grâce à l'affreux Polycarpe. Il n'était plus temps de retourner sur mes pas quand cela me revint à la mémoire. Enfin, nous revîmes Kanoma, puis après, nous touchâmes à Bakaxi, dans le Paranyamirim de Madeira. De là, nous allîmes à Maouès. En ce dernier lieu, le garde descendit seul à terre. Zéphirino, c'était son nom, avait endossé les parties saillantes du costume officiel. Un homme assis dans un canot, et auquel il demanda des renseignements, lui dit que dans la ville habitait le lieutenant-colonel de la garde nationale. Depuis peu de temps, une tribu sauvage de Maouès, il porte le même nom que la ville, s'était établie sur les bords du fleuve. Je désire les voir et les peindre. On me donnait un garde pour me protéger, et de plus on fit appeler un vieux Maouès civilisé, qui était capitaine dans la garde nationale. Il devait partir pour la Maloca dans la nuit et prévenir les Indiens de mon arrivée, afin que je n'eusse pas à attendre, car j'étais de nouveau souffrant, et je ne voulais passer là que 48 heures. En attendant la nuit, je me mis à courir le pays. Maouès, comme toutes les petites villes de l'Amazone, se compose d'un amas de cases sans régularité. Le colonel habitait dans une grande rue où plusieurs maisons, pareilles à la sienne, s'élevaient plus haut que les cases, et de même qu'à Santarem, Serpa, Villa Bella, et des tendues de chaux et quelquefois peintes en jaune ou en rouge, bien que souvent elles fussent recouvertes avec des feuilles de palmier. Le colonel me conduisit près d'un tir à l'arc, et j'étais émerveillé de l'adresse de très jeunes enfants qui touchaient souvent le but sans avoir l'air de regarder. Le lendemain, le nouveau garde était à son poste, et je commençais à désespérer de pouvoir partir, quand mes hommes, que je n'avais pas vus depuis la veille, revinrent vers 8 heures. Ils s'étaient enivrés, mais j'avais pris depuis longtemps le parti de ne rien dire. Nous n'atteignîmes que bien avant dans la nuit le but de notre course. La lune paraissait à peine et j'eus beaucoup de difficultés à grimper sur un terrain en pente comme un talus. Depuis une bonne demi-heure, le plus étrange bruit se faisait entendre. À mesure que j'approchais, il devenait étourdissant. Arrivé au sommet, le garde s'arrêta ainsi que moi. Nous avions sous les yeux le spectacle le plus inattendu. Toute la petite tribu, dans une bonne intention, à ce que j'appris plus tard, donnait un charivari à la lune pour l'éveiller, car il paraît qu'elle s'était laissée endormir par une éclipse. J'ai su que les Indiens se trompaient souvent et prenaient ces nuages noirs, si fréquents dans le voisinage de la ligne, pour les éclipses. J'aurais bien voulu faire de cette sérénade un croquis d'après nature, mais j'étais complètement dans l'ombre. L'un frappait avec une pierre contre un grand plat de fer, destiné à cuire la farine de manioc, et pour obtenir un beau son, l'avait suspendu à un arbre. Plusieurs autres musiciens tapaient ainsi sur cet instrument sonore. Des enfants s'escrimaient avec des sifflets en os de chèvre ou de mouton. D'autres soufflaient dans de grands bâtons creux, immenses porte-bois avec lesquels on appelle les ennemis au combat. Le reste de la troupe frappait à tour de bras sur ces tambours formés d'un tronc d'arbre et recouverts d'un seul côté d'une peau de bœuf ou de tapir. La lune, en se montrant tout entière, fit taire tout le monde. Chacun entra chez soi. Comme je n'avais plus rien à faire ou à boire, je redescendis tranquillement dans mon canot. Quand vint le jour, je remontai. Polycarpe portait mon sac et moi mon fusil. Le capitaine de la garde nationale avait tenu parole. On ne fit pas la moindre objection à mon désir de peindre un habitant de la Maloca. Et là, comme ailleurs, mon étude, dont les spectateurs voyaient le commencement et la fin, était l'objet d'un enthousiasme général. J'achetai un de ces grands bâtons creux dont j'ai parlé et je pris congé de la tribu, encore un peu malade, me promettant tout de bon de cesser de travailler. En arrivant à Maouès, je fis porter mon hamac chez le colonel et fort heureusement, car un orage épouvantable fondit sur la ville. Des torrents de pluie emplirent les rues, entrèrent dans les maisons et rendirent impossible le dessein que j'avais d'aller voir en quel état était le canot. Le lendemain, je trouvai Polycarpe couché dans ma tonnelle. Le garde avait cherché un gîte quelque part. Les rameurs en avaient fait autant. J'avais éveillé Polycarpe. Il ignorait, disait-il, où était tout le monde. Dans les questions que je lui fis, il s'embrouilla. Il fut enfin avéré que mes deux rameurs avaient, à l'aide du garde, fait le complot de s'enfuir. Ils avaient volé un Indien d'une autre tribu et s'étaient sauvés. Pendant que j'étais à réfléchir sur ce que j'allais faire, le garde arriva. J'avais dissimulé par nécessité depuis longtemps, mais comme après tout cet homme ne m'était utile qu'à manger mes provisions, je passai ma colère sur lui. Je tirai du canot tous les objets qui lui appartenaient, et appelant un nègre, je lui ordonnai de les porter dans la maison du colonel. Celui-ci fit conduire le garde dans un poste où il devait rester prisonnier jusqu'au moment où on trouverait l'occasion de le renvoyer à Manaus, et l'on se chargerait de l'y recommander. Si Sonro eût contenu les rameurs et les eût surveillés, comme c'était son devoir, aucun des inconvénients que j'ai rappelés ne me serait arrivé. Il n'ignorait rien de ce qui se passait, et si Polycarpe a pu longtemps mettre obstacle à mes études, si les rameurs se sont entendus avec le nègre pour fuir, c'est qu'il était du complot. Je n'en étais pas moins embarrassé, vu la presque impossibilité de me procurer en ce pays d'autres rameurs. Par bonheur, il arriva un grand canot monté par rue Maouès et sur lequel se trouvait le chef de police de Villa Bella, pour lequel j'avais une lettre. Il devait repartir dans une semaine, et il eut la complaisance de me prêter deux de ces hommes à qui on fit bien la leçon dans je ne sais quelle langue, car ils n'entendaient pas un mot de portugais. Ils écoutèrent en silence, sans répondre, et pour empêcher cette bonne fortune inattendue de m'échapper et la cachaça de faire son œuvre, on ne les perdit pas de vue un seul instant. Le colonel tenait une boutique. J'en avais profité pour acheter un flacon de vin de Porto, deux poules et une tortue. De plus, il m'avait procuré une coiffure de plumes, et quand je voulus la payer, il s'y opposa, en me disant que ce serait lui faire injure. J'avais emballé tout mon attirail de peinture, en sorte que je ne pouvais pas pour le moment payer à ma manière l'hospitalité et les présents que j'avais reçus. On me fit partir au plus vite, dans la crainte que je ne me trouvasse dans l'embarras. On ne se fiait pas plus à ces Indiens-là qu'aux autres. J'embrassai en partant le bon colonel et son ami le docteur, comme on le fait au théâtre, en nous pressant dans les bras l'un de l'autre et détournant la tête. C'est la coutume au Brésil de s'embrasser ainsi.